Micro ouvert. La vraie évasion fiscale, c'est, je vous rappelle, un pays qui était un caillou avec des moutons dessus, qui s'appelle l'Irlande. Olivier Delamarche, analyste financier. Hein, qu'on a mis dans l'Europe et à qui on a mis comme modèle économique, parce qu'ils n'en avaient pas. Donc c'était un pays pauvre, à qui on a mis comme modèle économique que les entreprises qui viendraient s'installer chez eux auraient entre 6 et 8% d'impôts, et peut-être même moins d'ailleurs si elles négociaient bien. Ce qui fait que, au sein de l'Europe, mis en place par l'Europe, on a un pays qui est un centre d'évasion fiscale pour toutes les boîtes du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les boîtes du CAC 40, elles ne payent pas comme une PME. Vous, vous montez une entreprise demain, vous montez une petite entreprise, une SARL, une SAS, hein, vous allez être imposé à 30%. D'accord ? Et puis, quand vous prendrez du dividende, vous allez être à nouveau imposé. D'accord ? Une grande entreprise, une entreprise comme Total ou ce genre de boîte, qui peuvent se permettre d'aller mettre des filiales et de passer par l'Irlande, ils vont payer au total sur leur résultat 7-8%. D'accord, pas 33. Donc là, elle est l'évasion fiscale. Et là, ça porte sur des centaines de milliards. Dans le micro ouvert qui va suivre, vous allez entendre une action qui a été menée au mois de juin 2018. Et saviez-vous qu'il y a une journée mondiale des services publics ? Là, c'était le 23 juin. C'est un mouvement mondial pour la justice fiscale et contre les inégalités. C'est pas mal, hein, comme thème, donc c'est le 23 juin, comme ça vous le savez. Hein. Là ici, l'action de que le micro ouvert enregistre, ça se déroulait le 7 juin 2018. On s'en fout, hein, mais voilà. Et donc, pour ce 7 juin 2018, il y a eu un ensemble de gens dans des gares. Il y a eu exactement 5 gares. Ça disait ceci, de 9h à 11h midi, les témoins du vécu militant du réseau wallon de lutte contre la pauvreté organisent un vote populaire devant 5 gares wallonnes. Des urnes et des bulletins de vote seront mis en place. Ils demanderont que chaque personne rencontrée s'exprime sur la question suivante. Est-ce qu'un wallon, une wallonne, qui planque son argent dans un paradis fiscal peut recevoir le mérite wallon ou pas? Il faut déjà qu'on sache qu'est-ce que c'est ce mérite wallon, hein, ça je vous l'explique en quelques mots. Oui, tout de suite, c'est plus simple. Hein. Le mérite wallon, eh bien, c'est une distinction honorifique de la région wallonne instituée par un décret, un décret du 31 mars 2011. Elle est décernée chaque année à Namur lors de la fête de la région wallonne par le gouvernement wallon et consacre la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne physique ou morale dont le talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son rayonnement. Ça s'appelle le mérite wallon. Et donc, vers 11h30, hein, eh bien, les militants du réseau vont dépouiller les votes et ensuite aller remettre le courrier au ministre-président à l'Élysette, c'est son bureau, à Namur, à Jambes exactement, pour lui demander, évidemment, ce sera pas le ministre-président qui sera là, hein, ce sera un délégué. J'ai ici la demande très claire formulée au gouvernement. Il y a deux demandes, en fait. D'une part, la prise en compte d'un critère de citoyenneté fiscale dans le choix des futurs mérites wallons, dans le but de rencontrer pleinement une conduite qui atteste de valeurs morales particulièrement estimables, pour reprendre les termes du décret. Donc, je vous rappelle que le mérite wallon, il y a un décret pour ça. Et d'autre part, donc la seconde chose que le réseau demande, d'autre part la suggestion de gratifier chaque année de ce mérite une personne, une institution, un groupe qui travaille et qui s'engage uniquement ou prioritairement pour la justice fiscale à l'instar d'autres catégories existantes. Dès lors, monsieur le ministre-président, je voulais relayer ces suggestions et questionner votre approche à ce sujet. Peut-être juste préciser que les personnes qui sont sur place, l'action est menée vraiment par les témoins du vécu militant du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Vous allez les entendre, ça fait du bien d'ailleurs de les entendre. Et puis il y a des gens qui se présentent de toute façon. Ça va aider à comprendre un peu la situation, mais aussi c'est aussi beaucoup de gens. Des passants quoi, qui sont dans la gare, qui prennent un train, qui sortent de la gare. Enfin voilà, c'est parti. Par exemple, juste une nénin qui a planqué son argent, hein, qui reçoit le comment. Ah là là, il y a les paparazzi. Non, moi je suis une gentille. Je suis pas une paparazzi. Je vais rester toute la journée avec vous. Ce qui fait qu'il n'a pas. Bon voilà, on vous explique un cas. Juste une nénin. Elle a reçu le mérite wallon. Mais devinez où elle planque son argent. Eh bien, elle le planque à Monaco. Et vous trouvez ça normal qu'elle trouve qu'elle ait un mérite wallon? C'est pas normal. Alors, vous votez non, M'Cho. Allez, vote, M'Cho. Allez, d'abord. Vote, M'Feille. Allez, là. Là, j'ai plus de laser. OK. Alors, on fait. Vive la Wallonie. Mesdames, mesdemoiselles, la vie elle est à vous. Alors, ça marche. Hein. Monsieur. Vous avez voté? Oui. Et vous avez voté quoi? Non. Qui est logique pour vous? Bah oui. Bah si tous les gens disaient comme vous, ce serait bien. Bah oui, mais bon. Et pourquoi c'est logique pour vous? C'est comme ça. Quand on gagne en Belgique, on ne met pas son argent en quoi. C'est pas logique de mettre son argent ailleurs. Mais pourquoi? Vous savez l'expliquer? Non. Vous voyez, non, vous savez pas l'expliquer? Bah, je trouve pas ça logique. T'es en Belgique, tu mets ton argent en Belgique. Nous, on paye nos contributions. On est déjà taxé phénoménal. Et lui, il est bien, quoi. Le cul dans le beurre, comme on dit. À voter alors? Oui. Bah, et vous dites? Désolé, j'ai pas le temps, désolé. C'est dommage ça. Bonjour. Bonjour. Je suis un média gentil, hein, normalement. Ouais, votre. On se connaît un peu? Bah oui, parce que j'ai participé donc aux actions suite au squat ici qu'il y a eu à Namur, le squat Léopold. C'est déjà vu? Je pense qu'on s'est déjà rencontrés. Ta tête me dit quelque chose, mais je rencontre tellement, tu comprends que je mélange. Bah, forcément, en tant que média, oui, on rencontre du monde. Mais dis-moi, comment les gens qui vont entendre ce qui se passe ici, tu peux un petit peu contextualiser? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, en fait, aujourd'hui. C'est suite à certaines décisions qu'il y a eu donc de remise du mérite wallon. On constate que. Mais c'est quoi le mérite wallon en quelques mots? Oui, le mérite wallon, en fait, c'est une distinction honorifique, un peu sur le modèle de la Légion d'honneur en France ou l'ordre de Léopold qui existe au fédéral, par lequel le gouvernement wallon décide de remettre une distinction honorifique à un wallon que le gouvernement trouverait méritant. déjà cette décision, le Parlement n'a rien à dire, donc c'est le gouvernement qui décide tout seul quel wallon il trouve méritant. Et donc la question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que un wallon méritant, oui, il est méritant, mais est-ce qu'un wallon méritant qui mettrait son argent dans un paradis fiscal mériterait de recevoir cette distinction honorifique? Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. On propose aux gens qui sont ici de la gare de voter pour savoir est-ce que, selon eux, un wallon qui mettrait son argent dans les paradis fiscaux mériterait le mérite wallon, la distinction honorifique remise par le gouvernement wallon. Voilà, et donc vous arrêtez les gens, vous avez un petit flyer, c'est, voilà, et les voilà. Gens... pas une boîte aux lettres, si, comment on pourrait appeler ça, une urne? Donc il y a une urne dans laquelle on propose aux gens de remettre un papier, donc vert oui, rouge non, blanc sans avis, où ils vont nous dire leur avis, et au dos il y a les propositions du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, parce que donc c'est le centre d'action laïque de Namur et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté ici qui organise donc cette action. Et voilà, et on propose aux gens de voter dans l'urne. Il y aura un dépouillement et on communiquera les résultats via Facebook sur la chaîne du... Je pense que la chaîne du CAL partagera aussi, mais sur la chaîne du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, leurs résultats seront présents. Tu vas aussi au Parlement? Non, c'est pas le Parlement, à la Croisette, là. Non, à l'Élysette, à 14h. Oui, je serai présent, évidemment. C'est quoi l'idée, là? Là, je sais un peu moins. Là, je suis un peu moins au courant de l'action. D'accord. Mais en gros, moi, l'idée, c'est que la bande du réseau wallon allait jusqu'à l'Élysette, essayer de voir un représentant on verra, oui. On verra comment ça se passera, mais l'objectif, c'est rencontrer quelqu'un du gouvernement pour effectivement lui poser cette question-là aussi. Parce qu'on a les avis des gens ici, mais on l'avis des élus, à moins qu'on ait croisé des élus, enfin des élus du gouvernement, on ne l'a pas vraiment. Quoi. À moins on va voir un peu, si ça tombe, on va croiser un élu, ce serait bien. Mais surtout, l'idée, si j'ai compris, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir de faire un mérite wallon ou pas, ce serait changer carrément cette règle, en fait. C'est décidé par le gouvernement wallon, donc ils décident entre eux, le gouvernement décide de remettre cette distinction. Donc les citoyens, le Parlement, même les élus locaux, enfin personne n'a rien à dire à part le gouvernement. Donc en clair, c'est un peu, voilà, on ne sait pas trop comment est choisi qui reçoit le mérite wallon, on ne sait pas trop comment c'est décidé, quoi. Bon, maintenant, effectivement, les gens qui l'ont reçu ont fait des choses, ça, on ne peut pas le nier. Hein. Je veux dire, je pense que, pour moi, en tout cas, quand je regarde les noms de ceux qui l'ont reçu, effectivement, dans l'absolu, ils le méritent. Maintenant, encore une fois, on en revient à cette question. Ah oui, dans l'absolu, ils le méritent, même si c'est des gens qui ont de l'argent à la base et qui vont le faire fructifier, quoi. Oui, c'est ça qui se passe. Oui, évidemment, oui, mais comment dire, on ne peut pas nier que certaines personnes qui ont reçu ce mérite wallon ont vraiment exemple. Je ne sais plus. Si la liste de noms. Il y a des médecins, il y a des sportifs, mais bon, les sportifs, c'est quand même un symbole pour pas mal de gens, hein, même si moi, le sport, c'est pas trop mon truc, mais effectivement, il y a des médecins, des architectes, c'est effectivement beaucoup de professions libérales quand on regarde, mais voilà, c'est quand même des gens qui ont fait des découvertes, qui ont participé au rayonnement wallon. Maintenant, est-ce que pour ça, ils méritent d'être connus? Moi, j'estime que dans certains cas, oui. Maintenant, encore une fois, on en revient à cette question. Est-ce que avec les mêmes actions qu'ils ont faites, mais en sortant tout ce qu'ils avaient du pays et planqué pour justement essayer de gagner le plus possible, est-ce qu'ils le méritent encore? Voilà, pour moi, c'est non. Mais voilà, je comprends qu'on puisse penser oui. Ça, c'est parce qu'ils ont effectivement fait des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec ces choses? Il y en a certains, effectivement, qui, selon moi, font pas des choses très correctes. Maintenant, voilà, c'est selon mon avis. Je ne suis qu'une personne parmi beaucoup de gens. Évidemment. Et c'est intéressant, votre avis. Mais vous pouvez me dire qui vous êtes ou bien vous préférez rester anonyme? Oui, je préfère rester anonyme. Ouais. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Non. Vous êtes jolie. Bah oui, je comprends. Il y a du mouvement. Il y a de l'ambiance. Vous faites partie de la bande ou pas, non? Oui. Ah voilà. Vous savez de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Et vous avez voté pourquoi? Mais parce que pour un nom. Pourquoi? Parce que ça ne va pas comme ça. Explique. Ben parce que dans notre malheur, il n'y a personne qui nous aide. Voilà, il est là le problème. C'est qu'il n'y a personne qui nous aide. Oui, en tout cas, l'argent qu'on met dans les paradis fiscaux, c'est ça aussi hein, qu'il s'agit. Normalement, c'est de l'argent qui est censé être ici en Belgique pour être collectif. Voilà. Quoi. Et qu'on ne les envoie pas dans les autres pays non plus, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent l'argent ici pour les envoyer dans des autres pays. Hein. Voilà. C'est ça. Maintenant, il faut être honnête avec les gens aussi. Hein, parce que les Belges, maintenant, ils n'ont plus rien, plus de travail, plus rien du tout. Non, il faut être sérieux et il faut être logique. Pour avoir une pension à peine vraiment limite. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que vous êtes là, alors. Oui, hein. Pour montrer que vous n'êtes pas d'accord. Ah, voilà. Tout à fait. Bien, ça, c'est bien. Je dis ça pour tout le monde, qu'on s'y mette une fois pour tout. Non, il faut être sérieux, parce que il n'y a personne qui bouge, ils s'en foutent, mais le jour que ça va leur tomber dessus, qui tire leur plan. Moi, je dors à l'abri de nuit, je n'ai pas peur de le cacher, je dors à l'abri de nuit. Mon avocat, je suis géré par l'avocat, elle ne se bouge même pas, ça me verra, et pour finir à la longue, on en a marre. Hein. Je comprends. Reste encore 7 jours à l'abri de nuit, et après c'est fini. Après, je n'ai plus le droit, je dois dormir dehors. Mais c'est vrai, je vais m'arranger avec la tech pour dormir dans les bus. Mais pourquoi vous n'avez plus le droit? Parce qu'il y a un certain nombre de jours. C'est votre place à quelqu'un d'autre, quoi. Alors c'est ça que ça veut dire. Il y a toujours de la place. Hein. Oui, et puis surtout, on pourrait faire un autre endroit, rajouter. Il n'y a pas beaucoup ici à Namur. Hein. C'était pas complet, il y avait de la place, quoi. Il y avait encore de la place pour d'autres personnes. Mais voilà, ils ne font pas ce qu'il faut. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Il n'y a plus rien. J'ai 52 ans, c'est pas pour m'inventer, je cours en pleine forme. Mais tout le monde bouge aussi. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui bougent. Hein. Qui bougent dans quel sens? Qui montrent qu'ils ne sont pas d'accord? Essayer de remettre la vie en ordre. Je comprends. Oui, de ne pas laisser faire, de se mettre à plusieurs. Voilà. C'est ça? Voilà. Moi, je ne demande pas mieux de retravailler, de retrouver un travail. J'avais perdu mon ancien logement. Normalement, je vais rentrer à la ville. Et maintenant, ils ont encore trouvé des prétextes comme quoi je ne peux pas travailler. Allez, c'est toutes des excuses. Bon, ben courage, hein. Ben, merci à vous. Et passez une bonne journée. Oui, mais je vais rester ici un petit peu, moi. Vous aussi, non? Oui, avec vous. Voilà, moi je reste. Un sandwich et... Allez-y, bon appétit. Oui. Merci bien. Yes. Bonjour. N'ayez pas peur, il n'y a pas de caméra. D'accord. Il y a juste un micro. D'accord. Ça va? Il est là, pourquoi? Parce qu'il enregistre l'événement ici, c'est radiophonique. D'accord. Après, il y aura moyen de retrouver le son sur Internet et tout ça. D'accord. Mais c'est anonyme, hein, vous voyez. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Plus ou moins, enfin, on nous a expliqué rapidement que c'était pour... mince, je suis désolé, je bloque complètement, mais pour... oui, c'est ça, pour Vous allez voir. Ah bah, voilà. Oui, c'est ça. Vous êtes de la Wallonie? Oui, je crois. Vous avez déjà entendu parler du mérite wallon? On vient de m'expliquer. Vous saviez pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. Et puis, qu'est-ce qu'on vous a expliqué d'autre? Ici, qu'est-ce qui se passe? On vous a expliqué qu'en général, ceux qui recevaient le mérite wallon, parfois planquaient leur argent dans d'autres pays. Et bah, du coup, c'est pas super génial pour la Wallonie en elle-même. Puisque en final on récupère, ça aide pas forcément la Wallonie à côté de ça, alors qu'on les aide de base eux. Donc c'est sans retour, c'est pas non. Vous allez voter? Non, j'ai déjà voté, on a mis non. Vous avez mis non? Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, on n'est pas d'accord parce que en fait ils nous volent un peu comme ça en fait. C'est voler l'argent pour le mettre autre part en fait et le cacher, et voilà. Et c'est pas juste parce que nous on donne cet argent pour eux et voilà, en fait ils en profitent à mal en fait. Enfin, en tout cas, c'est par distribuer à la collectivité, ouais. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, ben voilà, voilà. Quelque chose à rajouter ? Non, pas tellement. Pour tout ça ? Voilà, non. C'est bien, c'est pas bien ce qui se passe ? Vous croyez que ça va changer les choses ? C'est bien de faire un mouvement comme ça, je trouve. J'ai pas vu beaucoup de mouvements et tout dans ce genre-là ces derniers temps, donc je sais pas, c'est... ouais, complètement. Vous croyez que ça va... qu'il va y avoir du changement, que ça sert à quelque chose ce qui se passe ici ou bien ? Oui, ça peut quand même changer les choses, et puis je pense que... Ça peut interpeller les gens, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut changer les idées des gens, et puis les informer aussi, parce que tout le monde n'est pas au courant donc de ce qui se passe, et c'est bien aussi. Les gens sont au courant, et ça permet de mieux comprendre, donc voilà. Merci à vous. Ça va, t'as pas trop chaud avec ton bonnet ? Non, ça va. Putain, mais moi, je pète de chaud, j'aimerais bien enlever ma veste. Ouais, j'imagine. Non, mais... Bonjour, vous êtes aussi de... Du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Voilà, et qu'est-ce que vous faites là alors ? Mais là, on essaie de rencontrer les personnes qui sortent de la gare de Namur, leur expliquer à la fois la justice fiscale, hein, donc parce que c'est la journée mondiale pour la justice fiscale. Et puis en parallèle... Je ne savais pas ça. C'est la justice, il y a une journée pour ça, quoi. C'est la journée mondiale pour la justice fiscale, voilà. Donc on sensibilise à cette question, hein, puisque je pense que la majorité des gens sont d'accord qu'il faut imposer les grosses fortunes, puisqu'on sait qu'avec un tout petit pourcentage de leurs grosses fortunes, on pourrait financer les besoins en matière de politique publique. Et donc c'est tout à fait indispensable, même si les autres impôts sont nécessaires. C'est vraiment important qu'eux aussi contribuent, et certainement encore plus, puisqu'ils sont de toute façon beaucoup plus riches. Ça inclut aussi les multinationales. Donc ça, c'est pour la justice fiscale. Et donc, en parallèle, il y a l'action donc, des Mérites Wallons, qui est donc une action qui permet de concrétiser quelque chose aujourd'hui, avec l'objectif donc, de se rendre après-midi au cabinet du ministre Borsu, pour voilà, leur demander une attention particulière et un affichage du gouvernement en faveur de la contribution des grosses fortunes aux politiques publiques. Et donc, au travers des Mérites Wallons, bah, dire qu'on a le droit d'avoir le Mérite Wallon uniquement si on contribue au bien-être de l'ensemble de la population wallonne, à savoir contribuer à la collectivité notamment, pour payer l'enseignement dont on sait qu'il est en difficulté, la santé, les pensions. Et donc, tout ce qui aujourd'hui est mis à mal à cause d'un manque de financement, des solutions, il y en a. Maintenant, il faut vraiment, je pense, tous se mettre ensemble, réfléchir à des idées, être le plus créatif possible. Je pense qu'effectivement, il faut cette mobilisation populaire pour obtenir quelque chose. Beaucoup de gens à nouveau sont convaincus de ça, mais les gens n'y croient plus, les gens n'ont plus confiance, ils ont vraiment perdu confiance. Je pense qu'on est là pour cet espoir-là. Mais quand vous dites que les gens ont perdu confiance par rapport à quoi ? Aux politiques, mais il y a de quoi en même temps, hein ? Ou perdu confiance dans un mouvement de masse qui se mettrait tous ensemble pour changer la donne ? Donc ce qui m'est dit aujourd'hui, hein, pour vraiment rapporter cet aspect-là, les gens ne croient plus au fait qu'on va arriver à imposer les grosses fortunes. Donc, pour rester vraiment sur le sujet, les gens me disent ça. On est là depuis 7h du matin. Les gens m'expliquent qu'ils trouvent que c'est très bien ce qu'on fait, qu'ils sont tout à fait d'accord, mais qu'ils ne croient pas du tout qu'on va un jour arriver à ce que les grosses fortunes donnent ne plus que 1% de leur fortune. Et quand vous parlez des gens, c'est quels gens ? Donc, je parle de... Citoyens, les personnes qu'on a croisées ce matin, les centaines de personnes qu'on a croisées ce matin dans la gare, c'est certains qui ont pris le temps de nous parler et nous disaient ça. Et vous croyez que le ministère va entendre la demande ou bien vous croyez qu'il y a des chances que ce soit entendu ? Oui. Ou qu'il change la donne ? Moi, de toute façon, cette action, évidemment, elle est symbolique, hein, mais elle est importante parce qu'elle est humaine, elle est concrète. Il y a des gens ici, physiquement, qui sont là, qui sont mobilisés, qui y croient. Il y a des gens qu'on croise qui n'y croient pas, mais qui sont convaincus du problème. D'autres gens qui y croient aussi. Qui croient que l'action peut porter. Alors, l'intérêt ici, c'est qu'il y a une action vraiment concrète. C'est ça vraiment qui était important, puisqu'on a une demande très concrète. Je veux dire, l'évasion fiscale, c'est très délicat, c'est un sujet très vaste. Par contre, ici, c'est très concret. On dit simplement, s'il y a évasion fiscale, il n'y a pas de mérite wallon, tout simplement. Donc, c'est très simple. C'est du ressort du gouvernement. On va au bon endroit, puisqu'il s'agit du cabinet du ministre-président. On a un rendez-vous cet après-midi. On arrive avec des votes. Donc, on arrive avec des outils palpables. On vient en chair et en os, j'ai envie de dire. Mais donc, tout ça est important. Parce qu'on ramène un thème qui est extrêmement vague et extrêmement peu palpable, hein, puisqu'on sait que la fiscalité, le monde des finances, etc., c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à palper. Sauf qu'ici, nous, on est là, on est physique, on est là physiquement, etc. Donc, moi, je pense que c'est essentiel qu'il y ait des actions comme ça qui existent. Et puis, comme on dit, si on ne fait rien, on n'obtiendra rien. Si on fait quelque chose, ben, on a peut-être une chance d'y arriver. Je pense que la sensibilisation est importante, la rencontre aussi avec les politiques est très importante. On sait très bien que ça a un impact, hein, parce qu'ils sont face à nous et ils entendent aussi. Et je pense que oui, je pense que c'est des êtres humains comme tout le monde. Ils sont pas élus pour rien. C'est des gens qui, je pense, au départ ont une vraie volonté. Vous croyez que ce sont des êtres humains ? Oui, tout à fait. Oui, c'est une blague. Je sais que c'est une blague, mais malheureusement, il y a des gens qui ne croient plus en la politique. Moi, je pense que c'est fondamental. Ils nous représentent. On doit y croire, on doit continuer à être dans cette démocratie, ben voilà, porteur de ça, puisque ces personnes qui ont décidé un jour de nous représenter, ben elles ont décidé quelque part de le faire pour le bien commun. Vous ne croyez pas, là on discute, on sort un peu du cadre, et en même temps on reste dedans, mais c'est de la politique, vous ne croyez pas que c'est fini un peu cette politique-là, justement, représentée, vous voyez, avec tous les abus qu'il y a eu récemment en Belgique, mais s'il y avait seulement qu'en Belgique, il n'y aurait pas de souci, mais il y a vraiment un souci avec la politique représentative, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, que le citoyen, la citoyenne, les gens, la masse, se reprennent en main, justement, pour recréer un vrai rapport de force, parce que là, on a l'impression que ça se passe toujours du même côté, quoi, genre, voilà. Oui, mais la meilleure façon de le faire, c'est justement d'être le plus informé possible, donc justement d'aller voter en connaissance de cause. Je pense que du côté des politiques, ben voilà, il y a aussi des choses qui bougent. Vous croyez encore à la politique représentative ? Moi, j'y crois encore, et je pense qu'il y a encore une possibilité d'avancer, de sauver ce qui est encore à sauver, et de faire grandir ce qui peut encore grandir. Et je pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est justement d'être collectif et de se mobiliser, et de s'informer et de motiver aussi des gens de faire de la politique pour les bonnes raisons. Je pense que le système, il existe. Le système démocratique, il est là. Le système démocratique ? C'est ça que vous avez dit ? Oui, le système, il existe. Donc, c'est un drôle de système quand même. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement beaucoup de problèmes et beaucoup de corruption. Et donc la gouvernance... Vous parlez de ça comme si c'était au passé, mais non, c'est au présent. Hein. Oui, bien sûr, il y a encore des choses en cours. Mais il y a aussi... Moi, je pense que le système démocratique est quand même toujours en place. Et qu'en se mobilisant et en motivant des gens pour faire la politique pour les bonnes raisons, et si la collectivité se mobilisait aussi pour justement obtenir des choses en matière de justice, ben, on parle ici aujourd'hui de justice fiscale, mais ça peut être aussi... Toute la justice sociale en général. Voilà, moi je pense qu'il faut y croire, parce que si on n'y croit plus, on ne fait plus rien. Et voilà. Mais moi je crois aux mouvements sociaux, hein, je crois à la force des gens, mais je crois qu'on se fait avoir dans le fait de croire à la représentation, alors que ces gens-là, pour finir, ne font plus de politique aujourd'hui. Ils font du business dans leurs affaires, enfin soit. Mais qui est. Oui, dites-moi. Et donc c'est pour ça qu'il faut agir. C'est pour ça qu'il faut agir comme on le fait maintenant, c'est des petites actions, mais tout ça a un impact. C'est pas seulement le fait de croire, c'est aussi agir et aller de l'avant, et dans la participation, réclamer la participation dans la gouvernance, réclamer la participation de la population concrète avec des vraies actions qui aboutissent. C'est tout ça qu'il faut réclamer, c'est cette mobilisation qui est nécessaire. Et en quelques mots, si vous voulez rester anonyme, vous restez anonyme, mais quoi, vous travaillez... au réseau de lutte contre la pauvreté, c'est ça ? Oui, je travaille au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. D'accord. En tout cas, c'est une chouette idée, hein ? Qui a eu cette idée ? Oh, ben, c'est une idée d'équipe, hein. C'est né petit à petit au fil des discussions par rapport à justement une action concrète par rapport à, par rapport à la justice fiscale. On voulait faire une action concrète et donc voilà, c'est arrivé de fil en aiguille au cours de réunions d'équipe. Merci. Hein. Merci aussi. Merci pour la présence et la couverture médiatique. Oh, le petit chien-chien. C'est un petit, non? Oui, elle a 8 semaines. Oh, mais c'est petit. Il est petit, hein? Oui. Il ne va pas grandir plus, je crois. Ah, si, quand même. Croisé griffon hier soir. Elle rejoint sa famille tantôt. T'inquiète pas, le micro, il est là, mais c'est anonyme. On ne voit pas. On ne sait même pas qui tu es. Tu peux un peu... Enfin, on m'a déjà expliqué qu'est-ce qui se passait, mais peut-être dans quel cadre, toi, tu es là? À quel titre? Alors, moi, je suis là à titre de militante du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et j'aime beaucoup les actions citoyennes. Et donc là, sur le coup, justice fiscale, c'est la troisième année que je fais quelque chose avec eux ou avec le groupe AM, autrement mieux ensemble. Le groupe AM? Autrement mieux ensemble. Ah, voilà. La parole citoyenne de Mellereux. Et là, ça m'a pas mal interpellée quand même, vu que pour l'instant, financièrement, c'est pas trop ça. Et on entend toujours parler d'évasion fiscale. Et là, on m'apprend cette histoire de mérite wallon. Je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'ai réfléchi sur le concept. Et j'ai surtout envie de donner mon avis avec les gens aujourd'hui. C'est est-ce que quelqu'un qui a poussé en terreau de Belgique... Il y a quoi, tu dis? Poussé en terreau de Belgique, désolé. Poussé en terreau de Belgique. Oui, c'est bien dit, c'est bien dit. De racine et d'origine, quelqu'un, un Wallon, un Belge qui est né en Belgique, qui a été à l'école en Belgique, qui a pu faire ses études et avancer dans la vie pour arriver quelque part et avoir droit à un mérite, il nourrit au terreau de Belgique. L'idéal, ce serait qu'il puisse nourrir les prochaines pousses belges. Donc moi, je ne suis pas d'accord que les gens ils partent avec leurs sous. Si moi, ma fille a envie de faire des grandes études... Qu'est-ce qui va l'aider? Pas les sous que les gens ne mettent pas, enfin vous voyez l'idée. Juste un petit peu le côté, c'est pas juste. Je pense que si un pays fait quelque chose pour quelqu'un, le quelqu'un doit rendre l'appareil. Et surtout que le gouvernement belge dit qu'il n'y a plus d'argent, vous voyez, c'est toujours aussi un peu la même chose. Genre, il n'y a pas de sous, mais ceux qu'on a, on le laisse partir. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Tu dois y aller, là? Non. Ok, parce que je t'ennuie. Ouais. Je peux me cacher. J'ai roulé Merci. Une cigarette il y a 22 minutes. Et comment il s'appelle le petit là? Cannelle. Cannelle. Le parabole. Ça lui va bien, Cannelle. La couleur. C'est les gens qui ont choisi via sur Facebook. Enfin, on est sur Messenger avec les futurs maîtres. Et donc, sur le coup, quand ils ont bien dit qu'ils l'apprenaient, ils choisissaient lui un nom quand même, que je puisse pas l'appeler Chio pendant encore 2 semaines. Donc, c'est Cannelle. C'est mignon en tout cas. Merci, hein. C'est une arsouille. Ah, un monsieur avec un costume cravate, il est parti, dommage. C'est un policier. Oui, c'est un chouette gars. Ah ouais? Ça, c'est notre pote. C'est bien, alors. Faut pas toucher. Ok. Si c'est un chouette monsieur, ça va. Donc, il y a des chouettes monsieur en costume cravate. D'habitude, il est en jean. Mais oui, aussi des chouettes monsieur en costume cravate. Ah, vous rétorquez, là. Oui, et puis il y a des gros imbéciles en jeans. Hein. Exactement. Donc, voilà. Sinon, ce serait pas le moine. Vous savez. Sinon, ce serait trop simple, oui, la vie. C'est hein. Trop facile, trop simple. Vous êtes. Moi, je suis un média alternatif. C'est anonyme, il n'y a pas de caméra, on ne sait pas qui vous êtes. Donc, c'est vraiment la parole des gens qui m'intéresse. La parole des gens, oui. Je suis un peu engagée ici. Hein. On fait un lien entre deux actions. Il y en a un qui était pour le réseau pour la justice fiscale, pour davantage de justice fiscale. Et ici, donc, il y a le lien, effectivement, avec un mérite ou non pour des gens qui, d'une certaine manière, mettent leur pognon un peu ailleurs. Donc, il y avait un lien assez conceptuel entre les deux et ça m'a intéressé de venir voter. Ah voilà, voilà, voilà, comme personne. Comme et vous avez voté quoi? Alors, ça c'est un grand suspense. Je trouve que non, ce n'est pas possible en fait de donner un mérite wallon à des personnes ou à des entreprises qui ne participent pas vraiment au bien-être collectif de la société et qui contournent certaines lois fiscales pour mettre leur argent à l'abri ailleurs. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là? Je trouve qu'elle est complètement injuste. Parce qu'on a besoin d'un impôt, c'est pas un gros mot. Un impôt, ça permet d'une certaine manière de construire du bien-être collectif. Un impôt, c'est pas un gros mot, pas non. Mal. Non, ce n'est pas. Excusez-moi, je vous ai coupé. Oui. Moi. Ce n'est pas un gros mot. Un impôt, c'est quelque chose. Généralement, on a un peu l'impression que c'est un sport de frauder l'impôt. Or, quand on fait ça, Enfin, c'est un sport pas pour tous les gens. Hein. Vous voyez ce que je vous dis ? C'est un sport, il faut avoir les moyens de ce sport. Hein. Il faut avoir le moyen de ces sports. Mais il faut en fait déconstruire de manière générale. Il y avait une sorte de complicité dans la société. On disait, tiens, c'est un sport, c'est un peu normal de frauder le fisc. Eh bien non. Parce que lorsqu'on fait ça, on participe à une société qui est beaucoup plus inégalitaire. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que j'ai voté non. Bravo. Et vous croyez qu'il y a des chances que ça fonctionne tout à l'heure, donc l'après-midi Tous les moyens de conscientiser, tous les leviers qu'on peut avoir pour essayer de déconstruire cette idée et de mettre en avant cette question de justice sont bons. Et donc, continuons à agir, ça finira par percoler. Super. Écoute, c'est positif. Hein. Vous croyez encore en la politique, vous ? Oui, je pense que, justement, plus que jamais, on a besoin, en fait, de politique. Et donc, commencer à dénigrer, oui, on parle beaucoup de populisme. Eh bien, le populisme, c'est dire tous dans le même sac. En fait, le politique, d'une certaine manière, n'a plus de pertinence. Si il a une pertinence, si il a une prise sur le réel, mais il faut que les citoyens donc, se réapproprient ce politique qui n'appartient pas simplement aux hommes politiques, mais à tous les citoyens. Vous ne croyez pas que la politique représentative, elle est fatiguée aujourd'hui et qu'il n'y aurait pas besoin, ou alors besoin de nouvelles représentations, mais en tout cas de casser un peu toute cette politique qui a pour finir un peu du marketing, du business, du marché. On n'est plus vraiment dans des visions du monde, quoi. Donc les gens, ils ont quelque part raison, parce qu'on fait toujours, en tout cas du côté du pouvoir, des médias, de ceux qui pensent, on fait toujours les étonner. Oh mon Dieu, il y a la montée des populismes. Oh mon Dieu, les gens n'y croient plus. Ben, c'est pas pour rien non plus, quoi. Vous voyez, il y a une raison aussi pourquoi les gens ne croient plus à la politique. Oui, mais si je me permets, à ce moment-là, il faut mettre un peu en perspective. C'est pas simplement le système représentatif qui, lui, de certaine manière, a certains écueils et qu'on peut, en fait, un peu compenser par un peu plus de participatif. Mais il y a aussi, de manière générale, le fait qu'on est dans un monde beaucoup plus complexe et qu'il y a différents niveaux de pouvoir. Et que c'est vrai qu'au niveau même national, où on continue de voter vraiment pour les gens qui nous représentent, ces gens-là ont moins de pouvoir du fait de la construction européenne. Mais qui pourrait être plus... Non, mais je ne suis pas en train de la déconstruire, mais qui pourrait être plus démocratique. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est essayer de construire en fait cette démocratie au niveau européen. Oui, vous voulez arrêter là, mais juste ce que j'ai envie de dire, moi, c'est qu'on parle toujours de l'Union européenne comme quelque chose d'opaque, de mystérieux, et que vous dites que c'est compliqué aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant la politique, vous auriez tendance à dire ça. Ben... Je dis que c'est beaucoup moins lisible pour les citoyens de base, à cause de ces différents niveaux. Oui, mais on a tout fait pour que ce soit bien compliqué aussi, quoi, voilà. Oui, sans doute, mais réapproprions-nous. N'ayons pas peur de la complexité, approprions-nous ce niveau-là, parce que c'est un niveau vital pour la démocratie. Merci. Vous auriez... Je suis fatiguée. Faut être en forme pour parler, c'est vrai ? Oui. Oh ben ça alors, moi je croyais que ça se venait tout seul. Vous dites ? Vous inquiétez pas, je vais pas vous forcer à parler. Hein. Donc, l'idée, c'est de donner tous les bulletins de vote qu'on aura récoltés au président de la région Wallonne cet après-midi. Et c'est le réseau Wallon. Monsieur Borsu. Ah, c'est Borsu. Oui, c'est là. Voilà, la télévision. Je suis une fan de la télévision. À 6h, je suis levée depuis 5h, c'est pour ça que je suis fan. Voilà, donc, simplement, un geste de cible. Mais ici, on ne parle pas de voter. Non, je sais bien, c'est une horreur. Mais si un simple oui, un simple non. Est-ce que vous êtes... Voilà. Madame est peut-être... On vient de l'expliquer, justement. Non, mais peut-être madame n'a pas envie. Ah oui, vous pouvez voter soit oui, soit non, c'est vrai. C'est caché, en fait. Dire oui ou non. Donc, pour la... Donc, non à la réponse, est-ce qu'un Wallon qui planque son argent dans un paradis fiscal peut recevoir le mérite Wallon, ou oui. Voilà les deux alternatives qu'on vous propose. C'est non, hein. C'est non. Hein. Alors je vous invite... Mais, c'est normal. Mais nous allions au Luxembourg, monsieur, tous les mois avec mon mari. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'achète. Hein, donc c'est que... Et pourtant, c'est qu'une petite pension comme les autres. Il est ingénieur, mon mari, donc... Pas quand vous expliquez que vous alliez au Luxembourg. Ben dites... On avait du 14%, 7%, tandis qu'il s'est allé à ce moment-là. Ah oui, vous placiez votre argent au Luxembourg, c'est ça que vous voulez dire. Vous le prenez en Belgique, hein. Et puis on allait retoucher au Luxembourg. Vous n'avez pas connu ce temps-là, moi je suis née en 31. Bon, mais j'ai connu. Oui, pour faire plus de bénéfices et des choses comme ça. Que du contraire, hein, si vous avez 10 000 euros, ben, ce n'est pas 10 000 qu'on vous donne. Hein. C'est 50 en moins, hein. C'est toujours de moins en moins. Hein. en fait. Allez, donnez-moi un peu, moi je veux bien. Oui, donc vous, ça se discute un peu du paradis fiscal, ça veut dire que vous comprenez peut-être les gens qui mettent leur argent ailleurs. Oui, mais c'est comme ça, hein. Mais il y en a beaucoup. C'est anonyme, on ne vous voit pas. Pas nous, hein, pas nous les pauvres petits, hein. Ce sont les gros, hein, ce sont, allez, c'est bête en course, et je ne sais pas moi tout ce qui est, bon. Mm-hmm. Bah oui, c'est ça, hein. Mais maintenant la question, c'est la vraie question, c'est si on avait l'argent, si on était comme ces gens richissimes, est-ce qu'on ferait pareil ou pas? Oui, si j'avais l'argent, oui, ben je resterais par ici. Vous êtes sûr? Ah oui. Vous êtes sûr? Oui, je n'irai pas. C'est facile de le dire. Je n'irai pas là-bas, non. Ne pas jeter sur la voie publique. Hein. Oui. Possible que je m'investirais, moi, personnellement. J'aimerais bien avoir la moralité, garder cette moralité-là, parce que est-ce qu'on change quand on reçoit une grosse somme d'argent? Pareil. Mais j'aimerais pouvoir me dire non. Mais j'ai aucune certitude de dire que si je gagnais une grosse somme, j'aurais cette... Un million d'euros. Allez, je vais rester ici quand même. Là, a priori, je vais toujours penser à un investissement, mais alors un investissement social, c'est-à-dire lancer... Moi, ma priorité, ce serait de créer une école professionnelle, mais vraiment... Prends-le. Une école professionnelle destinée à des jeunes en difficulté pour leur permettre d'avoir un parcours qui soit... digne et pas un second choix, voire un troisième choix, une filière garage, quoi. Je pense que c'est vraiment dommage que notre enseignement soit pas mieux valorisé, en tout cas enseignement professionnel. Ouais, moi j'espère que si j'avais ce million d'euros, c'est ce que je ferais. Mais j'ai pas un million d'euros. Oui. Mais surtout c'est facile de le dire, hein, après. Oui. Parce qu'il paraît que quand on gagne plein d'argent, on change, il paraît. Ça change notre mentalité. C'est bien ce que je craindrais. J'aimerais pouvoir avoir la certitude que je ne serais pas dans ce cas-là, mais je peux pas le savoir. Vous dites oui, je vais y aller. Bonne journée, madame. Bonne journée. Avec votre lourd cabas. C'est rien. Attention, mesdames et messieurs, c'est le moment du vote fiscal. Attention, mesdames et messieurs, c'est le moment du vote fiscal. Est-ce que vous êtes d'accord de payer, de donner un mérite wallon à des gens qui ont des paradis fiscaux? Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, dames? Oui. Vous êtes d'accord? Allez voter. Faux cul. Vous n'êtes pas d'accord, quand même. Ah oui, non, je ne suis pas d'accord, mais ah c'est ben facile. Alors, mettez votre petit papier dans l'urne. Très bien. Ah, tu dois aller mettre ton petit papier dans l'urne, une fille. Okay. On est trop nombreux. 8 millions et on en a 10. Bon, eh ben alors... 11. Tiens, je te les rends. Merci. Attention, messieurs, dames, c'est le moment du vote fiscal. Attention, mesdames et messieurs. On a déjà parlé un peu ensemble? Non. Vous n'êtes pas obligé de parler, hein, surtout. J'ai un peu du mal. Enfin, il n'y a pas longtemps que je suis au réseau, donc ça dépend. Pourquoi? Pourquoi vous êtes là, quoi? Donc vous faites partie des militants du réseau? Moi, je fais partie je suis militante au réseau Wallon depuis, ça va faire un an maintenant. Je participe principalement au groupe santé, mais voilà, j'essaye de faire un maximum d'activités avec eux parce que c'est tout à fait raccord avec ce que je pense, donc en l'occurrence aujourd'hui, sur l'évasion fiscale. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses. Hein. Le bus tour qui fait tout le tour de l'Europe. Un bus. Alors, vous parlez de quoi, là? Je vois pas. Qui fait tout le tour de l'Europe et qui va arriver, qui est parti de Bruxelles il y a à peu près 2 mois, qui va arriver à Ostende et qui véhicule toutes les idées du réseau à travers l'Europe. Ok. Non, mais moi, c'était plus pour parler de l'action ici. C'est important d'être là? Vous êtes là? Bien je sûr. Vois. Pourquoi c'est important d'être là? Parce que on va arriver aux élections, il faut quand même que ça s'arrête. Des gens qui reçoivent le mérite wallon et qui ne payent pas leurs impôts et qui vont placer leur argent ailleurs, c'est quand même un peu lourd, quoi. Je trouve pas ça normal. Donc voilà la raison pour laquelle je participe. C'est déjà pas mal, hein? Oui. Je continue, moi. Bonjour. N'ayez pas peur, je suis un média gentil. Oui. Et vous pouvez m'envoyer péter si vous n'avez pas envie de causer. Hein. Non, y a pas vous êtes au courant là de ce qui se passe? Vous êtes allé voter? Vous en foutez? Je m'en fous complètement. Je suis sorti de prison. Ah ouais. Tu t'en fous, c'est ça que t'as dit? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de parler. Bah attends, on discute, quoi, c'est marrant. Pas envie d'en dire plus? Moi, il n'y a pas de souci. Vous avez compris ce qui se passait à côté? Oui, c'est avec les paradis fiscaux et tout ça, voilà. Les joueurs qui est tout, et autres qui vont mettre tout leur argent ailleurs au lieu de payer les impôts ici, quoi. Ouais. Moi, j'ai bien compris ça. Et vous en pensez quoi? Donc, monsieur, il s'en fout? Moi, il y en a qui s'en foutent, mais moi, je m'en fous pas trop parce que c'est l'argent du pays qui part, quoi. Au lieu d'aider les gens ici, ça va plutôt remplir les poches ailleurs, quoi. Bah, oui, oui, oui. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire contre ça? Vous croyez que l'action à côté, c'est pour rigoler? Bah, je ne sais pas si c'est pour rigoler, mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Franchement. Est-ce que c'est déjà pas chouette que ça se fasse quand même, plutôt que de ne pas en parler, de faire semblant de rien? Pour les gens, oui, si les gens peuvent faire essayer de faire bouger les choses, ça serait quand même pas mal, quoi. Les gens, pas toi? Bah si, enfin, tout le monde, quoi, le peuple, quoi. Mais, encore une fois, on peut pas être tout seul à faire quoi que ce soit, il faut être plusieurs. Et si c'est un petit groupe, c'est toujours trop peu, quoi. Être beaucoup plus que ça, quoi. Ah bah oui, mais ça commence par un petit groupe, hein. Et toujours. Et quoi, t'as voté ou t'as pas voté? Non, j'ai pas voté encore. Ok, ok. Non, mais tu ne me dois rien, tu dois rien expliquer, tu peux dire que tu t'en fous, hein. Non, je m'en fous jamais. Par contre, toi, tu t'en fous. Mais t'inquiète, hein, c'est anonyme, on sait pas qui tu es. Toi, tu crois plus à tout ça, quoi. Non. Et tu sais expliquer pourquoi? Parce que moi, je suis dans la rue et on m'a pas aidé. On m'aide pas. Mais tu crois pas que justement, si on se met à plusieurs dans la rue et pas dans la rue, qu'on peut être plus fort? Attends. Comme des moutons. Tu dis? Je croyais que les gens vont suivre comme des moutons. Mais à un moment donné. Il y a personne qui suit comme des moutons. Ça se voit, regardez, il y a pas d'entraide. Il y a personne qui est là pour aider. Non, mais l'entraide, ça existe, hein. Elle a une histoire. Où ça, madame? Mais il y a une histoire, l'entraide. Je veux dire, les allocations familiales, le chômage. La santé, c'est des gens qui... Attends. D'un côté, puis qu'on est censé de l'autre, on fait quoi? On reste dans la rue, hein, on reste dans la merde. Hein. Oui, mais il y a eu des combats qui ont été menés dans l'histoire, et justement. Ça a servi à quelque chose. Mais on évidemment. Est dans la même merde. Hein. Pas dans la même merde. Non, c'est pas dans la même merde. Ah si. Ah si, moi je trouve que c'est toujours la même merde. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change. Qu'on change les politiciens, qu'on change un peu tout le pays, et ça ira mieux. Peut-être. Bah, tu viens avec nous, tu nous aides alors. Bah, qu'est-ce que ça va changer? Il n'y a personne qui suit. Non, mais heureusement c'est que... Pour le faire tout seul, ça ne sert à rien. Autant que les gens, ils suivent. Hein. Mais il n'y a personne qui suivra. Ok. Ouais, je vais quand même aller voter, on verra bien. Mais oui, moi je trouve que... C'est mon frère, hein, pourtant. C'est vrai? Deux avis différents. Mais oui. Heureusement qu'on n'a pas les mêmes... Heureusement qu'on n'a pas le même avis. Hein. Ouais. C'est sûr. Sinon, on serait uniforme, ce serait triste. Mais déjà quand on voit ici, le pays est déjà séparé. Hein, donc, on fait tout pour aussi. Hein. On fait tout pour? Pour nous séparer tous. Exactement. C'est sûr et certain. C'est pas du jour au lendemain qu'on va de nouveau se réunir et dire « Ah, on va faire un pot commun ». C'est petit à petit. Voilà. Si on avance, petit à petit, c'est tout. Mais évidemment. C'est petit à petit. Avant, tout le monde se réunissait quand il y avait un problème. Maintenant, il n'y a plus personne. Mais ça va revenir. Ouais, quand? Tu dois voir, ça va revenir. Ouais. À son aise, moi, je dis. Trop, je trouve. Merci, hein. De rien. C'est où qu'on vote? Ici, tu prends un papier. Non, oui. Tu choisis. Moi, c'est... Non, oui. D'office, moi, c'est pour... Est-ce que le Wallon qui planque son argent dans un paradis fiscal peut recevoir le mérite Wallon ou pas? Non. Eh ben, tu plies ton petit bouton et... Le mérite Wallon. Je peux vous demander d'aller déposer le document dans l'urne qui se trouve là-bas? Oui, pas de problème. Et alors ici, si vous le désirez, nous avons quelques revendications concernant la justice fiscale. Ok, parfait. À lire à votre aise. Merci beaucoup. Voilà, madame, bonne journée. Merci. Oui, au revoir. Incompatible avec le mérite Wallon, l'évasion fiscale. Noté sur une pancarte. Ça va, Julie? Ça va, Gradiella, merci. T'as l'air fatiguée, debout depuis tôt, ce on matin? On est là depuis 7h du matin, avec le réseau Justice Fiscale. On a distribué des journaux, et donc on a après enchaîné sur notre action. Et quoi, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, on a distribué beaucoup de journaux. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disaient en gros? Ils disent rien du tout. À 7h du matin, tout le monde est en train de faire ça. C'est vrai. Personne ne dit rien. Ouais. Il y a des gens quand même qui sont intéressés, mais c'est pas... il n'y a pas de discussion à ce moment-là. Les gens dorment encore peut-être. Ils dorment encore, ils sont pressés, ils ont une correspondance à prendre. Donc, La panne d'électricité là maintenant, donc il n'y a qu'une partie en recto verso, mais bon, j'ai le recto. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, merci. Ça va? Oui. Ah oui, vous connaissez, je crois que c'était un monsieur. Je crois que c'était un monsieur de la rue, quoi. On va pas l'aider. Et si on est pour? Ah ben moi, j'influence le nom. Et pourquoi tu influences le nom? Eh bien, parce que ça coûte 2000 euros par an par citoyen belge. Et donc, c'est de la fraude fiscale. On devrait punir ça. Mais on préfère punir ceux qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que vous disiez, vous, Pardon ? Qu'est-ce que vous disiez juste avant ? Je parlais de la fraude fiscale, en fait, c'est monstrueux. Je pense qu'en 2016, on était à 216 milliards d'euros, quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Oui, c'est des énormes sommes. Ouais. Et on n'arrête pas de tailler dans le budget de la sécurité sociale, mais il y a largement les moyens de payer complètement une sécurité sociale beaucoup plus correcte. Bien sûr, c'est sûr. Solidaire. Qui profiterait à tout le monde. Et ouais. L'argent qui serait investi dans la sécurité sociale, elle serait réinvestie en Belgique. Elle ne serait pas mise en réserve dans les paradis fiscaux, en tout cas. Vous êtes militant ? Oui. Et qu'est-ce que... C'est important d'être là, alors ? Oui, bien sûr. Ouais. Et maintenant, pour un peu titiller, parce que j'aime bien un petit peu faire des gratouilles... Parce que ceux qui font, qui mettent leur argent dans les paradis fiscaux, c'est quand même des gens qui sont bourrés de pognon. On est d'accord? Absolument, oui. Est-ce que si vous aviez aussi plein d'argent? Parce que nous, c'est facile, on n'a pas plein d'argent. Donc la question ne se pose même pas. Je pense qu'il faut être solidaire avec tout le monde. Il faut que l'argent qu'on reçoit, en fait, on le reçoit comment? Par le travail, par toutes les infrastructures qui ont été mises en place en Belgique. Donc il faut quelque part qu'on rende un petit peu ça, de telle façon à favoriser le bien commun, en fait. Donc je pense que je serais même bourré aux as. Je paierais mes impôts ici en Belgique. Ouais. Tant mieux, c'est bien ça. Parce qu'il paraît que quand on gagne plein d'argent... Vous dites ? Je ne risque pas de recevoir un mérite wallon, moi. Ah, attendez, on ne sait jamais. Hein. Si jamais ça change, hein, si on arrive à changer la donne, vous dites ? Je vais quand même voter. Vous avez voté oui. Oui pour le paradis fiscal pour les riches. Oui, absolument. Non, mais on ne sait jamais. Vous allez peut-être pouvoir avoir le mérite wallon. Hein. Si jamais on réussit à le changer, il y aura peut-être d'autres critères. Hein. Peut-être, oui. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de faire supprimer le statu quo habitant. Ça, c'est une aberration totale. Ça appauvrit des gens. Ça... Ça, c'est encore un autre domaine, quoi. Ouais, complètement, oui. Je me doute bien que... Il y a sûrement plein de choses à changer. Hein. Oui, absolument. L'esprit des politiques, déjà. Les politiques? Non, ça, c'est pas bien de dire. Ouais, politique tout court. Changer ouais. La politique. Il en faut des politiques. Il faut des gens qui prennent des décisions. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent leurs responsabilités. Mais ce qu'il faudrait vraiment, que ce soit géré par en bon père de famille. Par nous-mêmes, pour finir, non? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'en Islande, ils ont fait comme ça... Une petite révolution et... Ouais, c'est vrai. Et ça marche. Ce qu'il faut aussi, c'est supprimer le pouvoir aux banques de faire de l'argent. Oui. Que ça aussi, c'est... Mais c'est pas simplement aux banques de faire de l'argent, c'est surtout des êtres humains qui font du business et qui ne pensent qu'à ça et qui s'en foutent des gens, tu vois. C'est le capitalisme, en fait, nommons-le. Je sais pas si vous savez, mais vous allez faire un emprunt en banque, en fait, l'argent que vous empruntez n'existe pas. C'est simplement, on va simplement créditer votre compte d'une certaine somme qui est complètement virtuelle. Et alors, vous allez devoir rembourser avec du vrai argent. Oui. C'est vieux, ça, ouais. Mais c'est aberrant. La crise de 2008, elle risque de se reproduire. Hein. Les fameuses bulles spéculatives, comme ça. sûr que ça plane au-dessus de notre tête. Ouais, ouais. Merci. De rien. Vive Maurice. Maurice, tu pousses un peu les champignons trop loin. Là, je serais bienvenue aussi, mais le problème, c'est que j'ai un examen. Un examen? Ouais. Philo des Hauts. Et où ça m'amuse? Ici, vous avez voté? C'est bien ça. Je dis, c'est bien ça. Merci. Vous avez le temps 2 minutes? C'est anonyme. Ok, ok, allez-y alors. Pour un exploit sportif, quelque chose comme ça, mais qui placent leur argent à l'étranger. Donc nous, on mène une action pour savoir si les gens trouvent ça normal que les Wallons aient le mérite alors qu'ils ne payent pas d'impôts. Non. Non. C'est pas je normal. Peux vous demander de voter. C'est tout à fait anonyme. Oui. Voilà. Je vais vous demander d'aller mettre la feuille. Ne vous inquiétez pas, c'est anonyme. Il n'y a pas de caméra, c'est juste un micro. Si vous voulez bien. L'urne est derrière la dame. Voilà. Votez. Bonjour monsieur. Vous avez le temps? Non, merci. On vend rien, hein. Et donc la question. Bonjour, vous inquiétez pas, il y a du son, il n'y a pas de télévision, c'est anonyme, j'enregistre ce qui se dit. La question. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a un wallon, une wallonne qui planque son argent dans un paradis fiscal peut recevoir le mérite wallon. Voilà. Donc nous, ce qu'on va demander cet après-midi au gouvernement, c'est que ce soit non. C'est que ce soit non. Je suis d'accord avec vous. Puisque, avoir le mérite wallon, c'est aussi participer à la collectivité et notamment aux besoins de la population. Voilà. Et donc voilà, vous avez la possibilité, évidemment, c'est démocratique, de répondre par oui, par non ou sans avis. Ouais. Vous avez l'urne qui est là. Ouais. Et si vous souhaitez participer, il suffit de mettre votre vote dans l'urne les résultats seront dépouillés cet après-midi et remis au ministre Willy Borsu au travers de son cabinet pour les sensibiliser à la question. Mais c'est très bien. Voilà. Vous pensez quoi de l'action? Ah mais je trouve ça très très, très bien. Ouais. Oui, vraiment. Et pourquoi, en quelques mots, si vous avez le temps? Pourquoi vous trouvez ça très très bien? Parce qu'il faut manifester son point de vue et en fait éventuellement se révolter contre des pratiques qui sont asociales, voilà, et financièrement injustes. Tu m'as fait peur trois secondes. Bonjour, 2 minutes, vous avez? Pourquoi non, en quelques mots? Mais parce que je trouve que les inégalités augmentent, que donc les gens, le pourcent ou même le dixième de pourcent le plus riche devient de plus en plus riche, qui s'enrichit avec le capital alors que finalement ce n'est même pas leur effort à eux, ce n'est pas leur mérite, c'est simplement parce qu'ils ont hérité. Parce qu'actuellement les Belges, le patrimoine des Belges provient plus de l'héritage que du travail. Et donc on favorise encore le capital, disons, le patrimoine et les revenus du patrimoine par rapport aux revenus du travail. Et je trouve que ce n'est pas très sain parce qu'alors on a des inégalités qui augmentent de plus en plus dans notre société. Et l'action, vous pensez quoi de l'action? Mais c'est intéressant, maintenant je ne savais même pas qu'il y avait un truc du mérite wallon, donc je ne sais pas si ça a beaucoup d'impact. Mais on verra, de toute façon, ça permet de parler aux gens de l'inégalité, des problèmes fiscaux, la fiscalité des riches qui diminue et celle des pauvres qui augmente. Donc je trouve ça très positif. Voilà. Merci monsieur. Y'a les chiffres, les lettres, le yin, le yang, les livres, les théories de Big, de Bang, la peur, l'autre, elle, lui, nous. Y'a les prévisions de gel à la mi-août. Y'a le paradis, son contraire. Ceux qui respirent et ceux qui pompent l'air. Y'a les oui, les non, les pfff, les un, je, bon, les chut. Y'a les rêves de nos parents. Y'a tout ce que l'on sait, puis tout ce qui nous arrange. Y'a la tête, le cœur, le ventre. Mais y'a aussi ce que l'on entre les jambes. Y'a ce qu'on t'a dit qu'il fallait mieux être. Ce que tu peux, ce que tu veux, tous les peut-être. Il y a ces légendes qui se racontent et celles qui se taisent. Mais les héros silencieux aussi, ça compte. Y'a la conquête de l'espace. Y'a cette terre avec vue sur l'infini. Il y a les maîtres et les esclaves. et des chaînes devenues invisibles. Il y a des philosophes en papier qui sur le vent font des théorèmes, d'autres qui agissent, luttent pour ce en quoi ils croient. Ces nouveaux Don Quichotte qui se tapent avec des éoliennes. Il y a les excès de pitié, l'expertise dans les extrêmes tristesses. Il y a les guerres et les bêtes serviles pour qui s'exterminent et n'est qu'un exercice. Il y a les verres à moitié vides et les coupes trop pleines. Celles qui se vident mais tous tautèrent. Ces bouteilles à la dérive qui goûtent l'eau de mer. Et ces êtres libres qui touchent au ciel. Il y a ces gens mis en lumière. Mais il y a aussi des ombres qui brillent. Il y a des silences funèbres. Mais il y a aussi des silences qui crient. Il y a ces rois aux couronnes d'épines. Il y a ceux aux couronnes diamantées. Mais vu comment le diable se déguise, à toi de me dire, à ton avis, lequel des deux finira l'âme en paix. Il y a le temps qui passe, puis qui ralentit. Les écrans qui tyrannisent, les cœurs et les cerveaux mal remplis. Certes, il y a le droit de s'enfuir et c'est ce que la plupart font. Ils se cachent derrière des semblants d'occupation.